bakatenga na lingia na tia motema na yebisi manso e paya makati na yoki makumisi o mingi na mato Ayebisi yo na keinde kopema na yoki nzotu maladi na yebaki nyonso wana pe na bomina motema na nga lokolo kei na yoki nzotu maladi na yebaki nyonso wana mpe na bobina motema na nga lokolo kei na yoki nzotu maladi Komeka Ojalaki Motonga na zongelate Moninga Oyo kisinga isoni Talalelo nanzela Bakomyo tunanga Mabenyoso Yo sala kingaye Nalingi mama Obo sana libela Kasidiye na lingi na mono changé Pona yokana na baninga Vanda se na ye Ngaya wande kote Odiye Yoke langaye Nabonanga batemwa Nabolingo Bako bebi sanyoso Soki olingi tovandaye Mama Talangase mobali Ngaya wande kote Yo keranga ye Nabonanga batemwa Nabolingo Bako bebi sanyoso Soki olingi tovanda ye Mama Talanga se mobali Mobalie Ata na komi kaka pamba Kanisa lolenge na jalakie Lelo bongo finanga Yako bomba hande mabeo Lelo yokoti na bato Yo lobi tozongi sabolingo Sheri nanga yo mabeo Ae Severina Nako pesa yo etumbu Ae Severina Yo batela kamibeko Yo kelanga Sheri nanga yo mabeo Sayo etu Yo kelanga C'est toi que je préfère Je sais, tu me diras que je suis l'ami de ton ami. Je sais, je ne l'ai pas oublié. C'est toi que je préfère. Tu es ma lumière. Je m'en suis aperçu. Le jour, j'étais comme mort. En me couchant, j'ai senti le monde fleurir. Oui, c'est toi que je préfère. Tu me dis, tu es l'ami de mon ami. Je sais, je ne l'ai pas oublié. Et puis ton ami, je l'aime pas. Ton ami, je ne l'ai jamais aimé. C'est toi que je préfère. Tu vois, ce n'est pas de ma faute. La faute est à mon cœur, car c'est lui qui est le seul juge. Et moi, je suis la victime. Oui, c'est toi que je préfère. Oh yeah, Misoe Kufaka Nzalate. Zangaka malobate, oye oye, oye oye, oye. Loboko ebosanaka monokote, soso abotaka libatate. Mokili maya ebale. Mes amis, très souvent c'est une comédie. Un méli-mélo de trémolo. Oui, mais c'est la vie. Oye, libou mouezali na matoïté. Matoyi, le kaka, motote, oye, oye, oye, oye, oye. Maboko mi balé, bazala kambandate. Vula, ibangaka, mokonzite. Mokili, nyamu, nyamu. Tukutini kwenda. matangaza mumeso. Ah.